les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un cinéaste qui n'était pas du sérail. Scénariste, encore ça allait. Après tout, il était écrivain. Du reste, il s'amusait du fait que l'on avait commencé à reconnaître, certains critiques, à reconnaître sa qualité d'écrivain seulement lorsqu'il s'était mis à toucher au cinéma. Sous-entendu qu'il se contente de son art premier, si l'on peut dire. En fait, d'art premier ou de vocation, sa première vocation était plutôt d'être ingénieur agronome. Selon Alain Robbe-Grillet, si tout était politique, peut-être que tout aussi était érotique, et surtout au cinéma. En tout cas, il ne travaillait pas dans l'illusion réaliste, il travaillait dans le cinéma. Clap sur Alain Robbe-Grillet, première diffusion sur France Culture le 28 février 1973. Générique. Écriture. Éden. Architecture. Composition. Maquillage. Catherine Jourdan. Représentation. Objet coupant. Jeu. Matière visqueuse. Mise en scène. Du sang qui coule. Catherine Jourdan. Richard Leduc. Pierre Zimmer. Violence sexuelle. Yuraï Kukura. Dans le labyrinthe. Sylvain Cortet. Assassinat. Lorraine Renner. Sexe. Yarmila Kolenitsova. Carte à jouer. Distance. Jeu Ludwig Kroner. Théâtralité. Fantasme. François Gervais. Laboratoire. Catherine Robbe-Grillet. Éden. Et après. Ce que je peux dire, Éden. C'est que c'est intéressant, un point de vue que quelqu'un prend tout le matériel cinématographique Éden. Et qu'il arrive à faire quelque chose. Subjectif. Dehors du commerce et injectif. Avec une puissance. Surjectif. Différente, si on veut dire. Bijectif. C'est-à-dire que ça devient un instrument qui arrive à faire quelque chose, finalement, à dire quelque chose. Vous voyez que ça se fait. Image et lumière. Mais je sais pas, tout ça finalement ça devient le commerce, parce que le commerce, si on peut dire, c'est, enfin, la gloire ça suit, hein, si quelqu'un a la gloire ça suit, c'est la publicité, c'est je veux dire, vous avez payé votre place quand même pour voir le film. Bien sûr que j'ai payé montage. Ma place, oui. Vous êtes content? Juste, oui. Vous avez aimé ou non? Pourquoi? Partition parce que sonore. C'est des structures nouvelles dans une société ancienne. Vous attendez du cinéma? Des cinémas, j'attends une certaine réalité fantastique. Je crois que c'est assez difficile de répondre à ce genre de questions en quelques mots. Et je pense qu'on ne peut pas parler des films de Robbe-Grillet comme on répondrait à une interview à la sortie d'un film de Lelouch. Et il paraît difficile de dire seulement si on a aimé ou si on n'a pas aimé ce film. Je crois que ça remet en cause suffisamment de la conception du cinéma pour qu'on argumente un peu plus son opinion. Objet. Image. Pierre Gérard. Imaginez. Richard Rein. Imagination. Jeanine Cholet. Fantasme. Fantôme. Maison hantée. Clap. Miroir. Sur Alain Robbe-Grillet. Miroir tournant. J'aime bien les gens comme ça de radio. Cette télévision sont pires. Miroir parallèle. Tout un tas de trucs. Puis on vous dit, puis maintenant, ce qu'on souhaite, miroir c'est que vous soyez déformant. Naturel. Le plus tranquille possible, quoi. Cinéma. Réalité. Ma vie. Vous, c'est, pour vous, c'est un jeu, mais pour les gens qui lisent vos romans, c'est un travail. C'est ça qui est. Non. Vous avez vu le film Robbe-Grillet, madame? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous faites dans le cinéma? Caissière. Ah, vous ne voyez pas. Bah non, caissière, je peux pas voir le film. Non, mais vous instituez une autre sorte de code, et si on ne possède pas votre code, on ne peut pas du tout. Bon, alors là, voilà. Là, justement, ça m'intéresse de vous répondre. Parce que, bien entendu, j'ai d'autres codes. Seulement, l'avantage pour moi de ces codes sur le code au pouvoir, c'est que jamais ils n'ont l'air, et jamais je vais vous expliquer, moi déjà, mon point de vue sur les dialogues dont on enlève les questions. Vous savez que évidemment. Quoi qu'on organise, on l'organise ça sur un code. Pour moi, grand intérêt, parce que à chaque instant, je m'arrête complètement de parler. À se présenter, et ce non que je pas dis comme ensuite, un code, mais comme une nature. N'est qu'une réponse à ce que vous aurez dit. Que ce soit l'ordre bourgeois ou l'ordre nazi ou n'importe quoi. Je vais pas me mettre à faire un discours comme ça d'un quart d'heure, c'est j'en toujours comme sauf si par moment. Enfin, je veux dire, même si la méthode que vous avez choisie est bonne, en théorie. L'ordre narratif traditionnel. Cherche toujours tellement à mon faire cas, croire qu'il est naturel, bon que dans le dialogue. C'est-à-dire qu'il est éternel, qu'il est juste, qu'il vient directement de Dieu. Or, ce que je pense, c'est que n'importe quel code est non pas naturel, mais artificiel, c'est-à-dire c'est une intervention de l'homme sur la nature, c'est une antiphusis. Et les codes qui sont mis en jeu dans ce genre de film, d'une part, sont nombreux, ce qui fait qu'il est difficile de considérer... Fin du prologue. Bon, je suis né à Brest, j'ai fait des études de latin-grec, j'ai eu le baccalauréat qui s'appelait art, autrefois, et ensuite mathématiques. Après le baccalauréat de mathématiques, j'ai préparé l'Institut agronomique. Je suis sorti ingénieur agronome, j'ai exercé ce métier d'abord à l'Institut national de la statistique et des sciences économiques. Ensuite, dans un institut de recherche sur les fruits tropicaux. Voilà. Je me suis mis à écrire tard, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans. Je me suis mis à faire des films encore plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 40 ans. Et je me suis mis à peindre encore plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 50 ans, cette année. Voilà. La réalité éclipse la fiction et Rob Grillet se trompe de vocation. Louis Chauvet, Le Figaro. Je pense qu'il y a des tas de gens qui ont envie de faire des films. Ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi on m'a donné à moi la chance de les faire. Il y a des tas de gens qui vont au cinéma, des tas de gens qui, quand ils vont au cinéma, ont envie de faire des films, je crois. Enfin, parmi les écrivains, en tout cas, il y a au moins Sartre qui aurait beaucoup aimé en faire. On ne l'a jamais laissé en faire, je ne sais pas pourquoi. On se méfie des écrivains dans la, dans la profession cinématographique. On se méfie en général des gens qui n'ont pas appris à faire des films. Je pense au contraire qu'il est très intéressant de faire des films par des gens qui n'ont pas appris à les faire, parce qu'ils risquent justement d'inventer quelque chose. Ils risquent, je dis, c'est pas... Parce que le cinéma, ça ne se fait pas comme la littérature... Jean-Louis Trintignant. Entre un homme, une feuille de papier et un stylo, ça se fait vraiment avec d'abord des êtres humains, les acteurs, des êtres humains, les techniciens, avec des éléments extérieurs. Vous savez, dans mes premiers romans, et même encore un peu maintenant, mais surtout à l'époque de mes premiers romans, il y avait énormément de descriptions de lieux, de descriptions de gestes, de descriptions. Dans ces descriptions, il y avait des mouvements qui étaient des mouvements de description, bien entendu. Et les lecteurs, les premiers lecteurs, les premiers mauvais lecteurs ont souvent cru que ces descriptions étaient des images et que ces mouvements d'écriture étaient des mouvements de caméra. Surtout quand on tourne comme lui tout en extérieur ou en décor naturel. Donc un jour il fait beau, si la scène avait été écrite par mauvais temps, il faut savoir la tourner avec le soleil et ça change tout. C'est peut-être à ça que je dois qu'on m'ait laissé faire des films. Et aussitôt que je me suis mis à faire des films, et plus j'en ai fait ensuite, plus je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun rapport entre le matériau cinématographique et le matériau littéraire, et que par conséquent, toute analogie grossière de ce genre était tout à fait hors de propos. Tout s'enchaîne comme ça, et s'il passe un avion au moment où on dit une phrase très importante, il faut savoir en profiter, il ne faut pas couper et attendre que l'avion soit passé, il faut dire la phrase avec l'avion, il faut que tous les éléments impondérables soient enrichissants pour un film. Ça c'est le point de vue de Rob Grillet, et ça c'est très enrichissant, il m'a appris ça, c'est très important. En tout cas, je ne me considère absolument pas comme un romancier qui fait des films, ni comme un cinéaste qui fait des romans. Alain Robbe-Grillet est un écrivain sérieux qui s'amuse avec le cinéma. Robert Chazal, France Soir. Exactement comme certains partis politiques sont toujours en retard d'un métro, moi j'aurais été déphasé d'une nature. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, ma nature admise par les critiques était celle d'ingénieur. Et tout le monde s'accordait pour dire « on voit bien que ce n'est pas un vrai écrivain ». On voit bien que c'est un ingénieur qui a pris la plume et qui a cru qu'il pouvait écrire. Mais ce n'est qu'un ingénieur. Et assez curieusement, dans leur bouche, j'ai accédé à la dignité de véritable écrivain quand je me suis mis à faire des films. J'espère que maintenant que j'ai commencé à faire de la peinture, je vais accéder à celle de cinéaste et qu'on va dire « on voit bien que Robbe-Grillet n'est pas un vrai peintre, n'est-ce pas ? C'est simplement un cinéaste ». La première fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il ressemblait un peu à un charcutier. Et puis, quand on le connaît, c'est vrai, non, il a un physique vraiment très commun. Moins maintenant, parce qu'il a les cheveux longs, il a une épaisse moustache. Mais quand je l'ai connu, il a une barbe maintenant. Mais quand je l'ai connu, il avait vraiment l'air d'un petit Français moyen. D'ailleurs, c'est très marrant parce que la première fois qu'il a cherché à me joindre pour Trans-Europe Express, il avait rencontré ma femme et il a dit, il s'est présenté, il lui a dit « Je suis Robbe-Grillet » et elle lui a dit « Moi, je suis Marilyn Monroe ». Juste en face du hall d'entrée de la fac, il y a un grand café, tout en verre lui aussi, qui s'appelle l'Éden. C'est là que nous allons après le cours, ou avant, ou à la place, là que nous inventons nos histoires, que nous jouons la comédie. C'est là que nous faisons semblant d'être gais ou tristes, de nous aimer, de rompre, d'avoir des aventures, puisque dans notre vie studieuse et inutile, il ne se passe, en réalité, jamais rien. Comme Duras et Kérol, cet excellent écrivain fut mystifié, en connaissance de cause et pour la plus grande gloire du cinéma français, par un adaptateur de génie nommé Alain René. Ayant cru être l'auteur de Marienbad, il décida de voler de ses propres ailes et de faire, comme il dit, du ciné-roman. Il faillit réussir avec l'Immortel. Depuis, il s'obstine. Claude Belli, Cinéma 70. René m'a demandé, ou plutôt le producteur de René, qui était Kuro, m'a demandé d'écrire un scénario pour René. Et à ce moment-là, je me suis trouvé immédiatement devant ce problème difficile qui était de raconter une histoire sans en faire moi-même un film. Et j'ai vu tout de suite que ce n'était pas possible. Et j'ai dit à René, non, moi je ne peux vous proposer qu'un film. C'est-à-dire que je vais vous décrire un film, image par image, avec tous les mouvements d'appareil, les cadrages, etc., comme si c'était déjà un film. Et René, très curieusement, a accepté. Je dis très curieusement parce que d'autres metteurs en scène avec qui voulaient travailler avec moi, et avec qui j'aurais volontiers travaillé, qui étaient en particulier Antonioni et Clouzot, avec qui les choses sont allées assez loin, avec l'un comme avec l'autre. Ces metteurs en scène-là, je me suis aperçu très vite qu'ils ne supportaient pas qu'on leur fournisse des images et des sons. Quand je commence à raconter mon projet, notre projet commun à Antonioni, je lui dis voilà, quand le film commence, on voit sur l'écran, et tout de suite il m'arrête en me disant ne vous occupez pas de ce qu'on voit sur l'écran, c'est mon métier à moi, n'est-ce pas ? Racontez-moi une histoire et moi je vous dirai ce qu'on verra sur l'écran. Cavalier fantôme à contre-jour sur le soleil couchant. L'envers, l'Afrique double, c'est l'autre ancien continent. Si c'est un film, ce que j'ai à vous fournir, c'est des images. Si c'est une histoire en mots, une histoire en phrases littéraires, pourquoi est-ce que j'en ferai un film, fût-ce d'Antonioni ? Je vais en faire un roman d'Alain Robbe-Grillet, tout simplement, n'est-ce pas ? L'envers obscur de notre maison. L'esprit noir, l'espace n'y est plus mesuré, la conscience obscure de notre raison. La matière inerte, l'espace n'y est plus mesuré, ni le temps rigide. L'eau bleue, le sable blanc, la matière inerte y devient magique. La terre rouge y sont chargés de pouvoir changeant. Le sable blanc, c'est le pays caché dans l'âme chargé de pouvoir changeant. Le guetteur qui se la perte de votre fond de ses yeux, Une exilie de relâche rare que l'avoir réservée sans doute enfermée dans des cages sauvages de la terre où aucune lumière capable de transformer en un instant la personnalité. Romancier ou cinéaste, l'œuvre de Rob Grillet est Jeu de glace. Rien de plus profond, en effet, qu'un miroir, ni de plus froid. Claude Mauriac, Le Figaro littéraire. Au début, les deux premiers films que j'ai écrits, qui sont donc L'Immortel et Marion Bad, ont été écrits entièrement, c'est-à-dire plan par plan. Dans Marion Bad, c'est René qui a mis les numéros, si vous voulez, sur les plans, mais enfin, il s'est contenté de découper vraiment mon texte en le recollant, enfin, sur deux colonnes, etc. Pour L'Immortel, j'ai commencé directement à écrire des numéros. Et immédiatement, ça m'a gêné. Il disait qu'un film, si vraiment on l'a tout préparé, on l'a pensé, ça devient très ennuyeux sur le tournage, parce que finalement, au mieux, on arrive à réaliser ce qu'on a imaginé. Parce que pendant la période du tournage, je me trouvais devant un film, en somme, déjà fait. Tandis que si on a travaillé énormément son sujet, mais absolument pas travaillé la façon dont on va le réaliser, on a une disponibilité qui enrichit encore le sujet au tournage. Pendant le tournage de L'Immortel, je me suis souvent ennuyé à attendre que le chef opérateur ait réglé interminablement des éclairages, qu'il fallait changer interminablement quand je changeais simplement un angle de regard, n'est-ce pas ? Tous les gestes de l'acteur doivent être prévus à 3 degrés près, n'est-ce pas ? S'il tourne la tête de 4 degrés de plus par rapport à ce qui a été prévu, le chef opérateur arrête tout et dit « Ah, arrêtez, il faut que je change mes lumières. » Et alors, il y en a de nouveau pour 2 heures à déplacer des mamas, à déplacer des pieds de projecteur, etc., etc. Les autres, vous avez un scénario précis. Bob Vad. Même si vous êtes le plateau, vous connaissez le matériel. Mais Calin... On ne sait pas vraiment où on va au départ, quoi, en principe. Et il a toujours ses idées directrices, il sait ce qu'il veut, mais tout vraiment se fait au montage. Je lui amène des idées de structure, et où il vient après, il met sa patte, il dit non, je veux plutôt ça, etc., etc. Mais être vraiment sur le plateau avec lui, c'est... On arrive, on a le matériel en tête, ce qui est très important, parce qu'il tourne quand même pas mal de métrages par rapport... aux autres réalisateurs, minimum de 35 000 mètres, par exemple. Et il faut vraiment l'avoir en tête. On a un peu sa mémoire, si vous voulez. Quoiqu'il a une énorme mémoire, plus que moi, d'ailleurs. Mais ça aide vraiment, parce que on peut s'amuser en détenant dans tel plan, on peut amener telle chose qui est dans un plan plus loin. Mais il n'y a pas de construction au départ, je veux dire. Au lieu d'avoir une seule invention... C'est ce qui était le cas pour L'Immortel, invention au moment de l'écriture. Il y a en somme 3 inventions successives, inventions au moment de l'écriture, mais qui s'amenuisent de plus en plus puisque l'écriture disparaît de plus en plus. Invention au moment du tournage, qui est très fatigante, mais en somme peu angoissante, puisqu'on tourne trop, on tourne des tas de choses, n'est-ce pas ? Et ensuite, invention... pendant le montage, alors assez détendu, puisque je monte pendant 6 mois, pour vraiment donner sa forme définitive au film, puisqu'après, on n'y touchera plus. Alain, je lui soumets par un montage, d'abord, tout point de directive qu'on écrit sur papier, mais voilà, je veux ça, ça, ça, ça, ça. Et avec les autres éléments que je possède, je lui amène des structures, j'essaye des choses, enfin... En général, il acquiesce parce qu'on se connaît de plus en plus et j'ai beaucoup plus de liberté qu'avec d'autres réalisateurs. Rob Grillet voulait faire une chose avec moi. Il voulait écrire un film, me le donner à tourner, parce que je lui ai dit déjà que j'avais envie de faire de la réalisation. Alors, il voulait écrire un sujet, me le donner à tourner et le monter. Et prouver par cette façon, et moi j'étais tout à fait pour d'ailleurs... prouver par cette façon que finalement, il y a 3 stades d'écriture dans la réalisation d'un film. C'est vraiment la collaboration, quoi. Mais tout est repris en charge par moi après. Ce que m'a apporté le tournage, c'est que c'est un des rares films dont je suis fière. Françoise Brion. C'est-à-dire que c'est très agréable d'avoir été l'héroïne du premier film d'Alain Robbe-Grillet, parce que c'est quelqu'un qui restera dans l'histoire du cinéma, et on n'a pas une chance comme ça tous les jours. Il appelait son scénario le Talmud, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas en changer une ligne, ni il fallait que le dialogue soit absolument fait et dit comme c'était écrit. Et il ne voulait absolument pas qu'on sache de quoi il s'agit. D'ailleurs, ce n'était pas difficile, c'était absolument incompréhensible sans le montage. C'était tout à fait un film d'auteur. Et il ne voulait pas qu'on interprète. Du tout, du tout, du tout. Et c'était effectivement des personnages très figés, comme dans ses romans. Après, quand il a commencé Trans-Europe Express, son deuxième film, il a complètement changé de méthode. Il a pris un chef opérateur avec une caméra sous le bras, il a fait un peu du Godard, et il a fait improviser les textes. Que deux filles lui tiennent les bras. Faites-lui mal si elle bouge trop. Ouvre-lui les jambes. Comme exemple, au contraire, de collaboration créatrice non prévue, Forcez-la à rester comme ça. De l'Éden, qui est tout à fait significatif. Les acteurs de l'Éden sont tous des jeunes gens que je ne connaissais pas, qui ont été engagés avec le même contrat, le même salaire, sans leur dire quel serait leur rôle, puisque le film n'était pas écrit, en leur disant, on verra ça au tournage. Et un des acteurs, qui était une actrice, Catherine Jourdan, a pris, dès les premiers jours, une importance créatrice énorme. C'est-à-dire que le film est devenu vraiment son histoire. C'était pas prévu du tout, non? Et c'était d'autant moins prévu qu'elle a été engagée la veille du tournage, étant donné que l'actrice qui avait été engagée, qui était Elisabeth Lamy, est tombée gravement malade juste la veille du tournage, et où j'étais déjà à Bratislava, j'ai envoyé un télégramme à cette fille que je connaissais à peine, qui est Catherine Jourdan, avec qui j'avais passé une soirée une fois chez Castel, et je lui ai envoyé un télégramme, elle est arrivée le lendemain. Nombre de degrés de liberté est synonyme de dimension. Si V est de dimension N, N vecteur de V constitue une base, si et seulement si toute commune dans la recherche de lieu jamais. Qu'est-ce qu'un film ? C'est une histoire racontée au moyen d'images qui bougent. Où choisir le sujet d'une histoire ? N'importe où, à condition qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le cinéma ? Le cinéma ? Je peux pas vous dire. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui fait une tentative à travers une succession de films pour renouveler enfin les formes cinématographiques, et c'est ça qui m'importe. Il ne s'agit pas de se conformer à un code. Vous devez aussi songer à la manière la plus logique de faire se succéder vos plans, de façon à rendre votre récit le plus clair, le plus compréhensible possible. Il faut que le spectateur ait une notion suffisante de l'orientation, qu'il ait l'impression de s'y retrouver. Dans le montage traditionnel d'un film, il s'agit à chaque instant de respecter le fonctionnement d'un code. Ce code, on le connaît, c'est le réalisme. Alors, ce qu'on appelle le réalisme, mais réalisme entre guillemets, parce que c'est pour moi l'illusion réaliste. Au début, n'est-ce pas, il s'agissait d'un auteur, enfin, qui m'intéressait par-dessus, enfin, tous les romanciers contemporains, qui se tournaient vers le cinéma. C'était donc, n'est-ce pas, un geste nouveau, qui venait d'un romancier, enfin, d'un homme de lettres que j'admire énormément. Ensuite, j'ai continué à le voir parce que j'ai vu qu'il essayait d'apporter, enfin, au cinéma, le même genre de renouvellement, le souci de précision dans le renouvellement qu'il avait porté au roman, car c'est finalement, n'est-ce pas, le romancier le plus marquant comme ça des années 60. Vous pensez que c'est le cinéaste le plus marquant des années 70? Je ne sais pas encore, car les années 70 commencent seulement. Il ferait mieux de concevoir un film délibérément clair et raisonnablement audacieux. Louis Chauvet, Le Figaro. Non, je disais que les techniciens qui vous soutiennent dans la réalisation d'un film traditionnel, ce sont les gardiens du code, c'est-à-dire c'est le service d'ordre, n'est-ce pas ? Ce sont les gens qui font respecter l'ordre établi qui a été fixé à l'avance par le récit traditionnel, quoi. Et alors, il y a un personnage que vous avez cité à l'instant, qui est la script, dont le rôle est tout à fait significatif, quoi. Puisque justement, il sera fondamental de respecter les raccords traditionnels, c'est-à-dire ce qui assure l'illusion de continuité, n'est-ce pas ? La script qui fera respecter que l'acteur n'a pas changé de couleur de cravate entre le début de la scène et la fin, ou qui n'a pas subitement perdu sa montre. Vous savez que les scripts sont obsédés par les problèmes de montre, et en particulier quand on voit l'heure à la montre. Ces problèmes qui obsèdent tous les techniciens traditionnels sont évidemment des problèmes qui ne me concernent pas, puisque je ne travaille pas dans l'illusion réaliste. Je travaille dans le cinéma. Un plan doit toujours être nécessaire et à sa place. Il doit suivre logiquement le plan qui le précède et amener aussi logiquement le suivant. De cette cohérence dépend tout le succès de votre film. Monsieur Robbe-Grillet aime brouiller les pistes, égarer ses personnages aussi bien que ses spectateurs. C'est le grand petit diable du 35 mm. Michel Cournot, Cinémonde. Il faut que le montage soit possible. C'est-à-dire que les images successives semblent bien se passer dans le même lieu et dans le même temps. Que décors et personnages ne subissent aucune modification inexplicable d'un plan à l'autre. Voilà, on va partir en voyage dans un pays chaud et sec. Nu, étincelant. Sans mollesse. Rigoureux, dur, transparent, rigide, etc. Le désert. Pour se procurer de l'argent, on va vendre à un musée américain, le Carré Bleu, numéro 234, légué à la culture éternelle par l'oncle défunt de Violette. Il y a un type qui produit un travail dans un lieu donné, et la manière dont ce travail est en relation avec le tout social n'est pas à la surface des choses. Guy Fiman, Claudine Ezikman, membre de l'unité de recherche Université de Paris 8. N'est pas à la surface des choses, parce que en même temps que se produit dans les films de Robbe-Grillet un travail sur la déconstruction de la narration, ce même travail se produit dans d'autres lieux au même moment. Oui, des émissions de radio, par exemple. Et pour s'emparer du tableau, on va assassiner traîtreusement la nièce. Voici donc maintenant la scène du poison. Le cinéma traditionnel, en fin de compte, a un but, c'est de faire disparaître le cinéma. C'est sa grande idée. Ce qu'on appelle le réalisme au cinéma, c'est ce moment où le spectateur, non pas oubliera, mais fera semblant d'oublier qu'il est au cinéma. Je dis fera semblant, car comment l'oublierait-il ? Robbe-Grillet est un phénomène qui se situe à la périphérie d'un grand système. C'est-à-dire que la forme du cinéma reste une forme basée sur narration et représentation. Premier élément à escamoter, c'est la caméra. On apprend dans n'importe quelle école de cinéma que ce qu'il faut avant tout, c'est que la caméra n'existe pas. On n'a aucune possibilité de reconstruire une narration sous une forme linéaire simple, mais on a comme des traces de quelque chose qui pourrait être une narration linéaire. Le cinéma traditionnel tient beaucoup à faire disparaître l'acteur. c'est-à-dire à faire croire au spectateur qu'il a affaire à un personnage. C'est assez bizarre parce que ce même cinéma traditionnel joue sur la vedette. Alors, on vous annonce, vous allez voir un grand film politique avec Yves Montand. Et les foules viennent pour voir Yves Montand. Mais, une fois qu'ils ont passé la porte de la salle et que le film commence sur l'écran, le mythe fonctionne et ils sont censés voir sur l'écran non pas Yves Montand qu'ils sont venus voir, mais Arthur London, qui ne ressemble pas du tout à Yves Montand, comme vous savez. Alors on vous apprend dans les journaux spécialisés féminins que Montand a perdu 14 kilos pour ressembler à Arthur London au moment du procès Slansky, mais c'est tout à fait risible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches ici, toi? Rien. Et je l'ai trouvé. Quoi? Le tableau? Quel tableau? Non. J'ai trouvé ce que je ne savais pas que je cherchais. Moi, j'ai l'impression que vous avez, vous, un code qui vous est personnel. Tu sais que Robrier dit que les choses les plus importantes, c'est dans les blancs qu'elles sont dites. Votre érotisme, c'est pas l'érotisme justement de Benazérav, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très net, les liens entre l'illusionnisme réaliste et l'idéologie bourgeoise, il y a vraiment quelque chose de flagrant, si vous voulez, qui, bien entendu, a été repris avec toute sa force et même encore plus dans le socialisme bureaucratique, qui a repris toutes les valeurs de la bourgeoisie, y compris, bien entendu, l'illusion réaliste. Alors, ce que j'aurais signalé, c'est les limites, en fait, du travail de Robrier. Claudine Isikman. Alors, la première limite, c'est peut-être pas la plus intéressante, c'est ce qu'on pourrait appeler un ancrage, c'est la sexualité particulière qu'il assigne dans la position particulière qu'il assigne à la sexualité dans L'homme qui ment. Bon, je serai très brève là-dessus. On a la servante qui est la grosse baiseuse. Bon. On a la femme de Boris Varissa ou de Jean Robin, on ne sait pas qui c'est, qui est la femme intouchable et que l'on désire d'autant plus qu'elle est intouchable. Et on a la sœur qui est l'intermédiaire, la médiation entre le frère, entre la femme, entre la servante. Bon, ça sont des relations très codées. C'est-à-dire qu'on a le bas peuple qui sert à coucher, puis alors on a les femmes de très haute extraction qui sont, qu'on aime d'autant plus qu'elles sont inapprochables. Bon, ça c'est une sexualité, je dirais, très codée. Elle est peut-être moins codée que dans les autres films, enfin c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même codage que dans les autres films, parce qu'on a pu léguer Pierre, mais ça c'est un codage social quand même qui est terrible. Bon. C'est-à-dire qu'à chaque instant je crée du code, mais à partir du moment où ce code ne prétend pas être naturel, il ne fonctionne pas vraiment comme un code, il fonctionne comme une règle du jeu. Au récit traditionnel qui est une épopée, ou une odyssée, pardon, se substitue un discours. Et par le fait même qu'on a un héros et un discours dit par le héros, on a un lieu de convergence. Ce qui est important, c'est de dire et de montrer que ce code n'est pas naturel, que c'est un code. Et c'est ça qui nous distingue, si vous voulez, des naturalistes, car le code naturaliste se prétend naturel, prétend qu'il n'est pas un code. On voit à chaque instant des critiques débiles, Charansol, n'importe qui, n'est-ce pas, qui vous diront que Truffaut et Chabrol filment de façon naturelle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, n'est-ce pas? Joueur parmi ces joueurs que sont ces personnages, on le devine heureux et parfaitement à l'aise. Jean de Baroncelli, Le Monde. Partition sonore, Michel Fano. Si j'utilise dans l'Éden une combinaison de cor anglais, de guitare et de piano, c'est en fonction d'un complexe de bruit qui aura donné naissance à cette combinaison instrumentale. Et non plus une sorte de musique de film rapportée de l'extérieur et dont Stravinsky disait d'ailleurs que pour lui c'était du papier peint, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'était, quelle que soit la qualité intrinsèque d'ailleurs de la musique, que c'est forcément un corps étranger au film dans la mesure où il n'est pas issu, secrété en quelque sorte par le film. Il me serait impossible maintenant de concevoir une œuvre sonore indépendamment d'une image. Tellement, pour moi, c'est devenu ma propre nature. Enfin, quand j'avais 10-12 ans, j'écrivais, comme tous les très très jeunes musiciens qui font des études musicales, j'écrivais des opéras. Et j'étais très, très, comment dirais-je, très inquiété par la notion du drame musical. Et donc, j'ai trouvé là exactement mon opéra, si vous voulez. Malheureusement, c'est pas le cas dans tous les films, et il est bien sûr que c'est dans les films de Rob Grier que cette notion-là apparaît pour moi dans sa totalité. Donc, certains de ses détracteurs qui admirent mon travail et qui disent « moi, je vais voir les films pour entendre la bande sonore » me semblent être complètement dans l'erreur, et d'autres qui diraient « moi, j'y vais pour voir uniquement l'image et le son ne m'intéresse pas » seraient autant dans l'erreur. Je crois que ça fait maintenant une sorte de tissu très serré et où chaque élément se renvoie continuellement de l'un à l'autre. Tu as trouvé ? Non, rien. Tu as mal cherché. Non, il n'est pas là. Bon, Franz se moque de nous. Je m'en charge. L'Éden et après, c'est Tintin et Milou à la sauce LST. Henri Chaptier, combat. L'érotisme de Rob Grier est au vrai érotisme ce que l'image d'Épinal est à l'histoire. L'histoire avec un grand H, quoi. C'est vraiment merveilleux, quoi, une phrase pareille, parce que je suis vraiment prêt à y souscrire, parce que je vois trop ce qu'ils appellent le vrai érotisme. Vous savez que l'érotisme en France a maintenant droit de cité à condition qu'il soit chrétien, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y ait à l'arrière-plan le péché. Vous savez que dans la société où nous vivons, et je ne veux pas dire seulement le pouvoir, on retrouve les mêmes valeurs dans le Nouvel Observateur, dans l'Humanité et dans le Figaro. Et en particulier, quand il s'agit de l'érotisme. L'érotisme a mauvaise presse. Ça appartient à ce qu'on appelle le manque de profondeur de l'homme moderne. Vous savez, autrefois l'homme était quelque chose de sérieux et de profond, et il avait à l'intérieur de lui-même une âme. C'était beau. Aujourd'hui, l'homme a perdu cette profondeur, et il a à la surface de lui-même l'érotisme. Alors, évidemment, dans cette jolie image, il y a toute la condamnation que portent d'un commun accord la gauche et la droite contre la modernité. Et il y a aussi toute la revendication moderne, alors, de, justement, cette absence de fort intérieur. Je ne sais pas quel philosophe a dit « L'homme a été chassé violemment hors de lui-même et se retrouve aujourd'hui sur les murs de la cité ». Comment fermer les yeux sur cet aspect fondamental de l'homme aujourd'hui ? Enfin, tout est politique, mais peut-être aussi que tout est érotique. Et surtout peut-être au cinéma. Je ne sais pas qui a dit que l'image érotique qu'il avait le plus frappé au cinéma, c'était l'entrée du train en gare de la Ciotat. Hitchcock se met toujours dans tous ses films, et Alain ne se met pas lui-même dans tous ses films. Il a trouvé que c'était assez drôle de mettre sa femme à la place. Catherine Robbe-Grillet. Au début, ça m'intéressait beaucoup de travailler, de jouer dans les films d'Alain, mais que je suis de plus en plus paniquée par la caméra et que je crois que je vais un jour y renoncer. Ou alors peut-être travesti, je ne sais pas, enfin... Quand je suis... devant la caméra, je suis une comédienne. Dans le tournage, j'ai un rôle qui, à mon avis, est un rôle un peu ambigu, qui est celui de sa femme, bien sûr, mais qui tâche de ne pas être du tout être la femme type. La femme, vous savez, la femme du metteur en scène, qui est à la fois celle qui surveille et celle qui est insupportable. Dans les scènes de nu que vous avez refusées à Noon, c'était la comédienne qui parlait ou la femme de Robbe-Grillet ? C'était la comédienne, bien sûr, évidemment. La mystification chez Robbe-Grillet est corollaire du conditionnement du public. Henri Chapier, combat. On parle toujours de champ spécifique quand on parle d'une activité créatrice, le champ spécifique du cinéma, etc. Mais c'est pas tellement les champs spécifiques qui jouent dans le contact entre l'auteur et son public. Je crois pas tellement. Parce que le cinéma... fait entrer en jeu des quantités de systèmes qui ne sont pas spécifiques au cinéma. Et souvent, les contacts ont lieu par ces champs latéraux, si vous voulez. Ce problème-là, qui est un vieux problème, est aussi, à certains égards, un faux problème. Guy Fiman. C'est-à-dire de savoir si une chose est importante en fonction... du nombre de personnes qu'il touche à un moment donné. C'est-à-dire que quand on dit ça, on le dit implicitement, enfin, on a implicitement une certaine conception d'une efficacité ou d'un mode de communication de tout ce qui peut circuler dans la société. Il y a toujours de cause à effet. Claudine Ezikman. Parce que le film de... Parce que l'homme qui ment, par exemple, dément en lui-même. Par exemple, je fais simplement une parenthèse, lorsqu'il dit... lorsque Trintignant est dans le café et puis qu'il nous dit « Ils veulent pas me parler. » Et qu'ensuite, on voit Trintignant dans le café où il est peut-être seul, ben c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire, où est la réalité ? Il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est-à-dire, où est la réalité ? Et puis, il n'y a pas de cause à effet. C'est vrai, les gens ne vont pas voir les films de Robbe-Grillet. Mais alors là, il ne faut pas prendre le film de Robbe-Grillet comme un truc ni trop fondamental, ni pas assez. C'est une inscription dans un lieu. Et ça, je crois que c'est en ça aussi que les films de Robbe-Grillet sont infrapolitiques. C'est dommage que les gens n'aillent pas voir les films de Robbe-Grillet et aillent voir des merdes. Je crois qu'une œuvre qui a déjà son public au moment où on la réalise est une œuvre qui n'apporte rien. C'est-à-dire que quand on produit des pommes de terre, il y a déjà un public pour la pomme de terre. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui sur le marché a une valeur et que un certain nombre de gens sont prêts à acheter. Quand Françoise Sagan écrit un Françoise Sagan, il y a vraiment un public prêt pour ça, même si on ne connaît pas encore le nom de Françoise Sagan. C'est un produit. Quand une œuvre, je ne sais pas moi, quand Ulysse paraît. Il n'y a pas de public pour Ulysse. D'ailleurs, la carrière de ce livre l'a révélé, quoi. C'est-à-dire que, au départ, il n'y a pas de public du tout. Et l'œuvre doit inventer elle-même son public au fur et à mesure. Et c'est là le drame du cinéma. Parce que si, au bout d'une semaine, le public n'est pas venu, on retire le film de l'affiche. C'est ce qui est arrivé à L'Homme qui ment. Mais, tant pis, quoi. Debout. Enlève mes chaînes, ce sera plus commode. Tu veux savoir si tu me plais? Bois dans mon eau, je te connaîtrai mes pensées. Ah, mes rapports avec le public sont tout à fait, chaleureux. Je vais le voir à chaque instant. Vous savez que j'aime, ce soir on va aller au Cujas, c'est quelque chose que je fais très souvent, ça. J'aime aller parler aux gens qui ont vu un de mes films pour savoir ce qu'ils ont vu et essayer de voir à quel niveau il y a eu une communication quelconque et de quoi, etc. Il fait l'apologie de l'avarice. Jean-Louis Trintignant. Il est profondément avare. Je ne suis pas issu de la classe bourgeoise comme famille, n'est-ce pas ? Et mes rapports avec l'argent sont très simples. Il fait l'apologie de l'avarice. Et chez lui, c'est très intéressant parce que c'est un homme profondément honnête. Je ne suis pas comme ces acteurs ou ces romanciers qui ne parlent jamais d'argent parce que ça n'est pas propre, n'est-ce pas ? Et qui ont un agent littéraire ou un agent artistique pour traiter les problèmes d'argent à leur place. Et le respect de l'argent, c'est chez lui un sens de l'honnêteté. C'est chez lui une sublimation de l'honnêteté. Mes rapports avec les producteurs sont simples parce que je demande un salaire quand je fais un film. C'est-à-dire que le film marche ou qu'il ne marche pas, je touche exactement la même somme. J'ai un salaire pour le faire, tout simplement. Je suis assez économe, en plus. Il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui aiment dépenser de l'argent. Et probablement, une partie de la confiance que les producteurs de cinéma m'ont faite vient du fait que... quand j'ai promis de me limiter à une somme fixée à l'avance, je ne la dépasse jamais. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me signale à chaque instant ce que coûte tel plan, eh bien, je suis capable de renoncer à quelque chose qui coûte trop pour avoir à la place d'autres choses qui coûtent moins, mais qui pourront m'apporter autant, etc. Le petit tableau, je ne l'aimais plus. Je l'avais oublié déjà. Il pouvait bien en faire ce qu'il voulait. Ça m'était égal. Boris était mort, Sonia était morte, Marc-Antoine et Marie-Ève aussi, sans doute. Et ça m'était égal. Dutschmann était mort, ça m'était égal aussi. Et maintenant, c'était le tour de Jean-Pierre. Pourquoi ? Pour cette petite toile dérisoire? Quelques millions de francs? Oh, c'est impossible. Ou alors, pour quelle autre raison? Oh, parfois il charrie un petit peu, je trouve, sur le son goût du paradoxe. Par exemple, il m'a dit, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je sais plus, il m'a parlé de Romère et de... Il a dit qu'il confondait toujours Romère et... C'est sur Romère que vous avez fait votre première émission. Non, c'est tout à fait un autre cinéma. C'est fou comme le mot cinéma peut recouvrir des choses différentes comme ça, quoi. J'ai vu tous les films de Godard, sûrement. Je n'ai vu pratiquement aucun film de Chabrol. Je vois les films de Buñuel, sûrement. Je vois les films d'Orson Welles, sûrement. De toute façon, on évitera les fins en queue de poisson. Évitez d'ailleurs aussi de faire tomber le mot fin avec la soudaineté d'un couperet. La fin doit se sentir, être amenée. Eh bien, alors là, moi je vois quelque chose de tout à fait parallèle à ce que je viens de dire. Vous l'avez dit sous une autre forme, c'est-à-dire que contre les valeurs traditionnelles, une des chances de l'homme moderne serait peut-être la volupté. Quelle belle fin pour un entretien. Ici, on emploiera tous les matériaux possibles, tels que le tas de feuilles mortes qui s'animent pour écrire le mot fin, qu'un balai impatient va disperser ensuite. Le talc saupoudré en forme de mot fin sur le dos d'un bébé. L'écriture sur le sable, la pierre, les murs, ou de la paraffine qui fond sur une plaque chauffée, etc. Objectif. Éden. Subjectif. Monique Denisot. Injectif. Surjectif. Myron Merson. Bijectif. Pierre Girard. Richard Rhin. Image et lumière. Janine Chollet. Je suis de nouveau seule dans ma chambre. Il ne s'est rien passé encore. Tout à l'heure, je vais sortir pour retrouver les camarades à l'Éden. Et vers la fin de la soirée, quand le jeu atteindra son point culminant, il y aura tout à coup un silence. L'un après l'autre, lentement, nous tournerons la tête vers les portes de verre, derrière la paroi transparente. Nous apercevrons l'inconnu qui vient d'arriver, qui nous regarde de ses yeux pâles, qui déjà pousse la porte. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 février 1973. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.